Hey, mon passe-mort a coulé. Ben voyons donc. Oui, mon passe-mort a coulé. Ben, passe-mort. Passe-mort, madame, comment vous appelez ça? Un passeport. Passeport. Votre passeport a coulé dans l'eau. C'est un état, je sais pas, depuis quelques jours, depuis l'émission, le début de l'émission. Oui, monsieur, comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, merci beaucoup. Comment vont les enfants? Ah, oh, mon Dieu, il y a Brigitte. Brigitte Lahaye. Ah! Comment ça, vous criez de même? Ah! C'est vrai que Brigitte amène... Amène, Brigitte, amène. Amène des idées assez... La connaissez-vous, vous? Elle a fait les grands succès de mon adolescence. Oui, OK. Je l'ai vue dans toute sa splendeur. Oh! Et je l'ai revue dans mon cervelet. Oh! À chaque fois que je m'épanouissais. Ouais, c'est... Hey, j'aime ça. J'aime ça parce que ça veut tout dire sans rien dire. Ben, merci beaucoup. Vous êtes... Joey! Ah, merci, madame. Mais arrêtez de me remercier, embrassez-moi. Ah, mon Dieu. Détournons, on va détourner. On demandera à toi, on l'a fait. On... hein, oui, OK, vous l'avez entendu? C'était beau, hein? Ah! Il y a trois ambulances ici devant le 300, le 405. Hein? Il y a trois ambulances. Il y a une grosse ambulance. Il y a une moyenne ambulance. Il y a une petite ambulance. La petite ambulance, c'est la police. La moyenne ambulance, ça, c'est les pompiers. Puis la grosse ambulance, ça, c'est l'ambulance. Là, ils ne savent pas. Est-ce que l'animateur au 405 3e Avenue, assez, tranquille, couchez, monsieur, couchez. La langue sortie, s'il vous plaît. Léchez le sol. On a, oui, il y a l'eau, le sol, ce soir, là. On est dans tous nos états primaires, là. La boule, le feu, la boule, les nerfs, puis la poussière. Mordre la poussière. Ça, c'est bon. Alors, on sait pas si il est en feu. Ça, c'est les pompiers. On sait pas si il souffre physiquement. Ça, c'est l'ambulance. Et on n'est pas, on sait pas. S'il ne va pas s'attaquer à tous ces deux structures que notre Québec solidaire... Maman, lâche-moi ça! Notre Québec... notre parti du Québec, que l'on appelle les francophones. Hein? C'est comme ça, je sais pas comment il faut appeler ça. Appelle-le pas, Jacques! OK. Il faut que je le jappe. Ah, mon Dieu! J'ai pas réussi mon cours de jappeux. Bon, mais je vais récapituler mon côté minou. Oh, j'allais dire mythomane. Non, c'est pas le mythomane. Non, mythomane, je connais pas le mythomane. Il y en a pas de mythomane ici. Alors, c'est ça, la police, là, c'est pour intervenir si tout va mal. Ils sont armés jusqu'à l'os. Non, aux dents. Ouais, mais en haut des dents, c'est quoi? C'est des os, ça, là? C'est des nerfs, là. Fais-toi arracher une dent, tu vas voir, c'est des nerfs. Puis là, tu vas dire au dentiste, hey, tu me tombes, c'est des nerfs. Puis là, quand il va te dire le prix, tu vas dire, hey, arrête, là, ça commence à m'endurcir, là. Là, j'aimerais ça, à un moment donné, là. Tu sais, tu vas voir le dentiste. Il t'arrache les dents, ou te plombe les dents. Là, tu arrives devant la secrétaire en avant, la bouche tout à fait ouatée. T'es comme René Lévesque. On comprend rien. C'est normal. J'ai de De tout. On l'a fait, ça, c'est la boîte. Je suis gelé de la bouche, mais pas de la tête. Il vient de dire qu'il est gelé de la bouche, mais pas de la tête. On le savait. Tout le monde a compris. C'est pas des imbéciles. C'est des gens qui ont des décodeurs. Des décodeurs? Des décodeurs. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça, j'ai de la boîte. Plombé en haut, en bas, arraché, à l'union. Et il veut m'arracher de l'argent. Peux-tu continuer? Ben, je vais continuer, oui. Alors, il veut lui arracher de l'argent, mais lui, le sournois, s'est dit, Ils peuvent rien faire, là, hein? Je vais me sauver, moi, là, là! Puis là, il prend ses jambes à son cou, il colle sa prothèse, il visse sa tête, il arrache le bras de l'acoustique qui fait semblant de « Oui, je vais payer! » parce qu'il parle à quelqu'un qui fait semblant de « parce qu'il n'a pas signalé le, bon, on n'a rien compris. » Mais il veut pas se sauver! Parce que c'est un ancien servant de messe. Il sait que même s'il n'y a pas d'enfer, même s'il n'y a pas de Dieu, mais pour lui, pas pour la réalité c'est autre chose, pour lui, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Mais quoi que, quand il regarde en haut, là, c'est, pour lui, c'est le ciel. Là. Mais quand quelqu'un meurt, ah, ça va au ciel, ça va au bout, c'est fini. Là. C'est la noirceur totale. Là. C'est décore ta vie en version nocturne, tu fermes les lumières, là. Ça sert à rien de peinture pas ma Georgette, peinture pas, il n'y a rien à voir. Même il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à toucher. C'est l'arrêt sur image perpétuelle. Mais là, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que là, j'ai dit, tu veux te sauver parce que tu t'es fait tout refait la... T'es refait la bouche, mais ton petit côté servant de messe de l'époque, là, quand t'avais 11-12 ans, te dit « Ah, c'est pas beau, c'est pas beau. Ben, t'as pas une maudite scène, qu'est-ce que tu fais? » Ah, écoutez, j'ai tout ça dans la bouche, là, mais si vous voulez, je peux laver le plancher, je peux divertir des enfants, regardez, je peux divertir des enfants, hein. Arrêtez, vous faites peur! Ah, oh, non! Vous allez appeler la police. Oh God, how did I get here? I do not know. I just woke up at this strange show. This woman's clearly out of her mind. She's covered in shit and high as a kite. La la la la la la la la. Au niveau de label et tout ça? Oui. Non, on est en coproduction avec un label de Saint-Étienne qui s'appelle Yes Music. Et on a notre petit label à nous, la Nina Records. Vous êtes ouvert une petite entreprise pour... Oui, c'est une association qu'on a depuis 2004 pour être un peu autonome. Et c'était important pour nous de faire de la coproduction, en fait, pour pouvoir avoir toujours une part d'autonomie. Ça nous semblait important même dans le développement parce qu'après, on aurait trop tendance à reprocher au label de ne pas faire ci ou ça. Ouais, ben oui. Donc nous, ça nous demande toujours d'être acteurs de quelque chose, en fait. Okay. Et c'est bien parce que chacun aussi peut travailler

des appels. J'ai reçu plusieurs appels. Le public est déçu. Il trouve que l'émission ne tient pas. La route, c'est ni cul ni la tête, ni la tête ni le cul. Puis c'est absurde. On devrait bannir, retirer. Puis, en plus, l'animateur, comment il s'appelle l'animateur? Réginal Grenier a oublié de mentionner le titre de la nouvelle de Charles Bukowski. Et là, on a eu 18 appels en 15 minutes de musique. C'était pas 15, c'était comment? Attendez un petit peu. C'était 12 minutes et 30 secondes de musique. On s'excuse infiniment auprès de... On va vous dire le titre de Charles Bukowski. C'est 1,20$. Qu'est-ce que tu veux faire avec 1,20$? Tu peux même pas prendre l'autobus pour 1,20$. Tu peux même pas, avec 1,20$, évincer une prostituée en disant « Hey, ma belle chérie, qu'est-ce que tu fais pour 1,20$? Je te fous une claque! » Oh mon, elle te fout une claque pour 1,20$. Hey, moi, je dis, garde, je te donne 1,20$. Peux-tu me donner la main? Hey, elle veut pas, elle veut que je lui vende. Il vende ma main. Je sais même pas comment ça vaut, sa main-là. C'est même pas une main de poète. J'ai dit poète, madame. Quoique, c'est une main involontairement insouciante. C'est une main... Une mince affaire, quoi. Une mince affaire. Mince affaire. Ah, c'est pas drôle. On continue. Hein? On continue? Nu? Non, habillé. Moi, là, j'ai froid. Hey, mois de mai, là. Goutte au nez. Hey, saviez-vous que très peu de personnes connaissent l'adage au complet? Oui. C'est au mois d'avril, nous nous découvrons point d'un fil. Sinon, mois de mai, c'est Rénal Gagné. Non, c'est pas ça du tout. Rénal Gagné n'a rien à voir là-dedans. Hein? Non, pas Rénal. Non, voilà. Oui, on y va avec la... On va le dire au... C'est maintenant que ça se passe, OK? Restez des... On vous aime. Okay. On est présent. Oui. OK. On peut entendre que ma barbe est pas tout à fait rasée. Hein? Ouais. Mes cheveux ont été coupés par une... Oui. Ben, c'est une étudiante déprimée, adolescente. Ouais. C'est pas très bon, hein? Ma coupe de cheveux passe mal à la radio. Ouais. Excusez-moi. Je continue. Okay. Je reviens. Mais là, on est en direct, madame. Je peux pas faire ça longtemps. Le public vont changer de... Est-ce que je peux vous couper, madame? OK. Je vous embrasse. Ben, oui, sur la... On se connaît pas, non, mais... Comme vous voulez. Voulez-vous raccrocher... OK, sur la boue. Bon, OK. Bon. Alors, hey, l'adage, excusez-moi. L'adage, c'est mois de mai. Vous écoutiez, vous, là? Hey, monsieur, Gaétan, le public écoutait. Je pensais que c'était coupé. Enfin, il n'y avait pas de musique. Oh, mon Dieu. C'est un fiasco ce soir, l'émission. Chloé, je m'en excuse infiniment. Au nom du groupe des Freaks, je ne suis qu'un incompétent. Plus aucun artiste voudront me rencontrer. Mon français est approximatif. Mon état mental également. Tout est lamentable chez moi. Mon visage n'a pas été refait. Mes cheveux ont été abîmés par une espèce de coiffeuse du midi. Non, de minuit. De minuit. Arrêtez toutes les perpignanaises. On s'imagine. On s'excuse. Arrête de t'excuser. Alors, mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, sinon mois de mai, goûte au nez. Comme le mentionnait Jim Morrison, un spectacle que nous allons entendre dans quelques minutes, parce qu'on va lui laisser une place. Ça me plaît, moi, Jim Morrison. Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Pendant ce temps-là, je place dans le lecteur le mini-concert de Jim qu'on va entendre là, après, là. Ça risque d'être bon en petit péché. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui plaçons Garda, Et c'était une belle époque lorsque je pouvais envoyer quelques gazouillis. Quand je pense que je m'en suis... Non, je pense pas, monsieur. Non, je réfléchis. Lorsque je fléchis, je tombe par terre, puisque mon inconscient est zappé vers le sol. Zappé? Ben, approché, sucé par le sol. Ah, mon Dieu! C'est rendu que le sol suce. C'est le Celsius. Le Celsius ne suce pas, mais le sol suce. Et quand le sol nous suce quelque chose, laissez-moi vous dire qu'on a à rentrer par là. On n'a pas à choisir. Si le pied est là, foule le sol, et que le sol décide de sucer, vous allez rentrer dans le sol pas à peu près. Madame Tremblay était couchée sur le sol, elle. Elle faisait ses exercices. Vous avez une inconsciente collective, comme toutes les inconscients collectifs. Elle faisait son exercice en regardant la télévision, puis là, la dame à la télé disait, couchez-vous. Un, deux. Elle s'envoyait les bras comme un nourrisson. Elle attendait son breuvage de 4 heures, quoi qu'il était 3h30, puis personne n'arrivait. Là. Elle attendait que son mari lui envoie la bouteille dans la bouche, mais le dry martini n'était pas encore al dente. Al dente, c'est pour les pâtes, ouais, je sais. Dry martini, c'est pour les adultes, je sais aussi, madame. En tout cas, elle se jouait là-dessus, comme un hein, et je fais même les gestes, madame. Vous voyez ça, le micro, ça s'entend, hein? Là, le sol a décidé de sucer, là. Oh, mon Dieu! Hey, c'était comme du sable mouvant. Plus de madame. Fini. Avis de recherche. À télévision, partout sur la planète. Ça a commencé à Québec parce que le suçage, c'est... Non, la suction, pas le suçage, parce que... Oui, il y a eu 3 soubresauts de sucement. De sucette. Annie aime les sucettes, les sucettes à l'anis, les sucettes à l'anis d'anis, tant à ses baisers, un goût anis. Lorsque le sucre d'âge, parfumé à l'anis, coule dans la gorge d'anis, elle est au paradis pour quelques pennies. Annie, c'est sucette. Non, je vous dis que le sol a sucé d'une seule suction. Parce que c'est un tremblement de terre, elle a l'inconscient, elle continue à jogger. Fini. Plus de dames. La télévision en a parlé à Québec, à Montréal, en Amérique du Nord. Ça s'est propagé en Europe. Même les Chinois de Chine cherchaient la bonne femme qui s'était faite sucer. Ils l'ont jamais trouvée. Si vous savez où elle est, 3 500 000 $ est sur ce corps-là. En fait, si on la retrouve, là, essayez pas de la faire en cire, j'ai tenté. Ça ressemblait pas à ça. La cire, ça avait tout coulé. C'est elle! Mais non, c'est pas vivant, ça. Mais voyons, non, c'est une sculpture! Qu'est-ce que c'est ça? C'est une sculpture! Ah, mon Dieu, Seigneur, ça fait peur. Ben oui. Ah, on continue-tu avec ça? Ben, le mot n'a même pas été dit, puis... Jim! You know the day destroys the night. Night divides the day. We'll be right back. Lions in the street and roaming, dogs in heat, rabid, foaming, a beast caged in the heart of a city. The body of his mother rotting in the summer ground, he fled the town, went down south and crossed the border, left the chaos and disorder back there over his shoulder. One morning he awoke in a green hotel with a strange creature groaning beside him. Sweat ooze from its shiny skin. Is everybody in? The ceremony is about to begin. Wake up! You can't remember where it was. Had this dream stopped? The snake was pale gold, glazed and shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot, dead prison. And she was beside me. Old, she's no young. Her dark red hair, the white soft skin. Now run to the mirror in the bathroom. Look, she's coming. Live through each slow century of her moving. I let my cheeks slide down the cool, smooth tile. Feel the good, cold, stinging blood. The smooth hissing snake. Once I had a little game, I liked to crawl back in my brain. I think you know the game I mean. I mean the game called Go Insane. Now you should try this little game. Just close your eyes, forget your name, forget the world, forget the people, and we'll erect a different steeple. This little game is fun to do. Just close your eyes, no way to lose, and I'm right here I'm going to release control. We're breaking through.

Qu'est-ce que j'écoute? Anglais d'Angleterre? Ouais. J'écoute un peu d'électro, voilà. Après, j'écoute... Massive Attack, des trucs comme ouais, ça? Ouais. Ah oui, ben là... Après, moi, c'est au niveau des noms, j'écoute un peu ce qui me passe. Sonic Youth, non? Non. Ok. J'avais écouté pas mal de Cold Cut aussi, Jeff T. Guillaume, on a fait les nuits sonores cette année, genre DJ Shadow, ça aussi j'avais beaucoup aimé. Ah oui, c'est bon DJ Shadow. Il y avait The Shoes. Et The Shoes. Ok, oui. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi, okay. Enfin, que j'écoute aussi. The Experimental Tropic Blues Band. Et madame, oui, ok. Ça c'est génial. Oui, ok. Qu'est-ce que... Success aussi, qu'est-ce que j'aime à l'heure actuelle. Voilà. Si tu étais une saison? L'été. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et que c'est les vacances. Ok, mais là il pleut. Ben, on a eu quelques gouttelettes, mais le soleil se pointe. Mais je suis pas chez moi, je suis à Paris, du coup, c'est, voilà, je suis en t-shirt. Ok. C'est la beauté de l'été. Ouais, les gens sont décontractés, il y a une espèce de légèreté. De joie de vivre, voilà. Qui ressemble un peu à ton groupe. Voilà, et à moi, finalement, je crois, mon tempérament aussi. Ok, relax, légère. Légèreté, ouais. Parce que relax, je suis assez un peu anxieuse. Ah oui, mais ça se voit pas. Mais c'est que ça va, là, c'est cool. Ok, il y a des moments plus turbulents. Là, je suis pas en zone turbulence. Non, on est en vol tranquille. Mais tu devais l'être avant, en m'attendant, tu devais être assez turbulent. C'est ça, il m'a filé, il ne se pointera jamais, il n'est même pas à Paris, il m'a fait croire qu'il était à Paris. Ah, c'est ça, ouais. Il est coincé à Québec, là, il reste à Québec, le salon. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado ya en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Adolescencia fue una etapa bizarra, el cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. L'émission est tellement extraordinaire, oui, que nous allons avoir un rappel. Mais voyons donc. Oui, un rappel. Ça, pas, mais on n'a jamais eu... ça fait combien d'années qu'on... Ah, oh, ça fait trop longtemps. Ça fait trop... des rappels, c'est... Vous croyez pas, vous, jamais dans votre vie, vous imaginez poser mon émission, hein? Bon. Ce que je veux dire, là, c'est que jamais de votre vie, vous vous imaginiez passer à mon émission. Vous l'avez compris, hein? Ouais, bon. Bon, on dirait le peuple. Vous êtes en pleine forme, vous? Vous êtes motivé? Vous croyez en tout? Oui. Vous allez voter dans... Oui. Oui. Oui. Bon. OK. Rénal, il faut le rocher, lui, là. Là. Hey, il est épanoui. Le monde applaudit. Et voyez-vous, ça ricane, là. Ben non, ça rit toi. Ben oui. On rit de moins. Est-ce qu'on a droit au rappel? Vous êtes là, rappel? OK. Hey, je tiens à vous dire, monsieur Rappel, que je veux vous rappeler. Non, je vous rappellerai pas parce que je vous réponds de... Ah, allez-vous répondre deux fois, vous? OK, je raccroche, vous allez rappeler? Pas vrai. Ça, là, c'est l'astuce d'un novice. Croire le rappel. S'imaginer que le rappel va rappeler. Il ne rappellera jamais, il ne laisse aucune chance. Il n'y a pas de seconde chance. Il est là, ça applaudit, les gens sont debout, ça crie, ça tire leurs fruits et légumes. Et j'ai ici une phrase, un sac, pas une phrase, un sac. Quoique dans ce sac-là, je n'ai pas dit un sacre, mais un sac, dans ce sac-là, il y a quelque chose, une phrase, et j'ai appelé ce petit truc brun. Eh, monsieur, petit truc brun, qui est dans les Watts? Un sac. Si vous me regardez sur Internet, là, parce que pas d'ordinateur, Internet, là. On a parlé, oui, je sais qu'on a évêque. Bon. Ça va bien, vous? Ah, ça va très bien. Et puis, le rappel, comment va? Le rappel est encore là? Eh, monsieur, ça y fait mal, lui, là. Et donc, j'ai une phrase de démarrage dans mon sac de démarrage. Ça va bien, hein? Bon, c'est comme un ordinateur. Tu le pars, tu le redémarres, il est encore en feu. Alors, on va brûler toutes les ondes cybernétiques et surtout celles de CKRL 89.1 à Québec. On dit pas le point. On dit pas de point. Pas de virgule. Pas de virgule. Rien du tout. Rien du tout. Ah! Alouette, OK, j'arrête de brasser parce que ça me donne mal au cœur. Hein? Cœur. Pique. Alors, arrête de faire du bruit. Ben oui, mais je replie le sac, puis le sac ne veut pas se replier. Puis je veux pas non plus faire quelque chose qui sera plus regardable dans quelques semaines, parce que ça va rester in vitam pauperman. Tirer les coins. OK. Jean Arache. Connaissez-vous Jean Arache? C'est un poète québécois. Bien sûr, c'est un surnom. Pendant ce temps-là, j'essaie de plier le sac. J'espère que ça s'entend pas et ça se voit pas à la radio. Ça se voit très bien. Je me suis approché de mon... de ma console. Oui, monsieur. Et puis, ben, ça me console parce que je te vois et je me dis qu'il y en a des pires que moi. Oh, OK. On y va. OK. Comme ça, man. Hey, on va arrêter ça, là. Couper, coucher. Ah, ouais, donc. Hey, je voulais bien faire au début, puis à la fin, là, je garoche tout, moi. C'est comme ça, là. Mais non... Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Là, je vais en prendre juste un. L'autre, je vais ouvrir mon sac. C'est un sac qui a déjà vécu. Qui a eu des intempéries. Des cauchemars. C'est sa première apparition à CKRL, à l'émission Errance Rénaldienne. C'est fort, hein, monsieur? Rappel? Ouais. J'espère de ne pas en avoir d'autres appels parce que moi, il l'a la voir, là. Hey, rappel! T'as-tu des tendances à t'endormir, toi, là? Est-ce que c'est l'heure qui t'amène autant de frivolité intellectuelle? Monsieur, il va voter. Bon, il y a d'autres votés. Alors, la phrase qui doit m'allumer, c'est « un Michel à l'échelle ». Ben oui, on a fait des ritos aux conceaux, puis les conceaux n'étaient pas calibrés. On lui a demandé à l'ingénieur, parce que ça prend des ingénieurs pour faire des conceaux, oui. Puis là, Rachel était là, oui. Isabelle aussi, oui. On a demandé aux fabricants de nous gâter. De nous faire des petits conceaux. À l'ossature, à l'embouchure et à la silhouette de notre grande invitée de ce soir, Rachel Beauregard. L'artiste n'était pas tout à fait prêt à cette éventualité. Oui. Donc, on a appelé un autre grand mouleur intellectuel. Ben, lequel? Claude. Claude qui? Claude. Ben oui, mais Claude, attendez, on va vous le dire, là. Calmez-vous. Hein? Claude Michaud. Ah, pas le vrai. Le vrai Claude Michaud. En personne, en chair, en graisse, en os et surtout, faut pas l'oublier, là. Claude Michaud, c'est un grand de ce monde, là. Un grand Québécois qui a fait sa marque au niveau artistique. On lui a demandé de faire Michel à l'échelle. Là, il s'est dit que c'était peut-être un peu trop facile pour lui puisqu'il faisait des grands événements, des gros phénomènes que tout le public ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait faire. Mais lui en arrivait à un résultat des plus convaincants. Comme donner une pensée à des premiers ministres que l'on connaît. Okay. De donner un dialogue sensé. À des artistes que l'on s'imaginait intelligents. Oh. Et surtout, oui. Surtout, oui. Et surtout, oui. Amener tout ça dans une cohérence totale pour que le public puisse voter. Oh. Votez pour, votez contre, votez. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ça fait, un chaud au cœur. Chaud au cœur. Mais Michel ne voulait pas se faire à l'échelle, lui. Il voulait se faire au pied carré. Ah, non. Puis là, les pieds carrés, c'est pas donné, ça, là. Ben non. C'est acheté. Ben oui, sous vide. Sous vide. Et là, sous vide, on n'était pas vide, non. On était plein de sens, mais lui était pas prêt à tout ça. Donc, on lui a laissé une chance. On a dit, mon Michel, on peut te faire à l'échelle, là. Mais fais-toi à l'idée que tu ne seras pas le résultat le plus probable à ce phénomène que nous tenterons de faire sous tes yeux. Puis là, il a dit, hey, sous tes yeux. Quand on a dit ça sous tes yeux, il est comme venu hagard. Mais quand je vois un regard hagard, je me dis, regarde mon regard hagard. Est-ce que mon regard hagard est plus hagard que ton regard hagard? Et là, il était perdu. Il dit, « Monsieur, qu'est-ce qui se passe ce soir? » Mais regarde ce soir-là. J'ai un regard hagard. Oui. Et tu as un regard hagard. Non. Ben oui, tu as un regard hagard. Ben, là, il y a la répétition. Je n'ai pas de regrets hagard. Non, j'ai pas de regrets. Un regard hagard. Hein, monsieur? Il est tard. Il n'est pas trop tard pour avoir un regard hagard. Il va pas lâcher, lui, là. Michel à l'échelle. Regard hagard. Eh, monsieur, dans le placard, il y a un regard hagard. Eh, bon. On va passer à un autre appel. Un appel qui nous rappelle Le ragor-ragor? Oui, est-ce qu'on est à l'échelle? Tu ferais mieux de changer de boue. Mais surtout viens pas me parler d'amour. Non. Pas après tout ce que tu viens de me dire là. Viens pas me parler d'amour. Mais fais-le-moi en écoutant Elton John. Elton John. Grimpe pas dans les poteaux, fais pas peur aux oiseaux, réveille pas toute la rue. Viens pas te pendre à mon cou, ah, viens pas me lécher les genoux comme un pauvre chien battu. Mais surtout tu viens me dire là. Viens pas me parler d'amour. Mais fais-le-moi en écoutant Elton John. Parle-moi en stéréo. Fais-moi poser un peu du son de ta voix. Viens pas me parler d'amour. Mais fais-le-moi en écoutant Elton John. Bam! Yeah.